que ma monnaie. Et c'est à ton cœur que moi je me suis abonné. Fini les rancœurs, de toute façon j'ai tout donné. Moi je n'ai pas peur, tout est carré comme en Corée. Et le monde est à nous. Je rends fou les jaloux. Passe leur temps à envier, je me justifierai plus c'est ton dos. Mais bye bye bye, t'attires la folie, die die die. Tu veux ma maille, c'est die die die. C'est trop la folie, bye bye bye. Je ne sais plus quoi faire, c'est vrai t'es jolie, je perds le contrôle. C'est vrai t'es jolie, faut que tu sois ma nana. Leur temps à envier, je me justifierai plus, c'est ton dos.